Bonjour et merci de cette invitation. Pour aller vite, et aussi parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice, donc je suis ici présenté pour la musique. J'ai dû publier une soixantaine d'albums sous divers noms, principalement Klimperei, mais aussi Deleted, Klimparag avec Sylvain Santelli, Alan Dell avec Al Semless pour les paroles. Et j'en oublie. Beaucoup de musique, ça dure depuis les années 80. Activité qui avait débuté sous le nom de Los Paranos, qui à l'époque était une musique qu'on pourrait qualifier d'électropop, avec boîte à rythme, synthétiseur monophonique, analogique, mauvaise guitare mal accordée, et ça oscillait entre une sorte de new wave banal et des compositions plus personnelles, soit plus lyriques, plus tristes, soit dérisoire. Il y a eu beaucoup de chansons un peu stupides aussi à cette époque-là, et les titres simplement peuvent en faire état. Par exemple, les éléphants paranoïaques, j'ai voulu tuer le voisin, des choses comme ça. Bref, beaucoup de musique enregistrée, donc des concerts depuis pas très très longtemps, une dizaine d'années à peu près, peu fréquents, mais qui m'ont donné la possibilité de jouer un peu partout en Europe et également au Japon. Des concerts qui au départ étaient en plutôt grande formation. Je pense que j'avais besoin de me rassurer, d'être soutenu, et je le fus. Aujourd'hui, je travaille sur un projet solo qui n'est pas complètement abouti, mais presque, qui touche plus à l'expérimentation, qui utilise beaucoup de guitares électriques, mais pas seulement, qui intègre aussi des textes, de la poésie, que dire d'autre. Je travaille aussi pour le théâtre, la danse, la publicité, les événements multimédia, comme la fête des Lumières à Lyon avec les Anouki, donc spectacle qui d'ailleurs s'exporte dans le monde entier. J'ai eu le plaisir, le privilège de par-ci par-là jouer avec des musiciens que je considère comme éminents. Je pense notamment à David Allen de Gong. Je me souviens également être monté sur scène aux Nuits Sonores en compagnie de Jacques Berrocal, David Fenech et Félix Cubin. Voilà, je dirais que je travaille depuis longtemps. Mon travail musical est assez éclectique. Je ne pense pas chercher à plaire, ou lorsque ça se produit, il y a forcément une part de dérision là-dedans, de jouer avec les codes. Je pense que des questions ultérieures permettront d'affiner le propos. Simplement dire que Par ailleurs, j'ai aussi un travail d'écriture que je mène depuis assez longtemps. Et justement, l'idée, pour le concert en tout cas, c'est d'intégrer, de raconter ces petites histoires étranges qui constituent l'essentiel de mon travail d'écriture. Le morceau que j'ai choisi s'appelle « Le camouflet ». C'est un morceau tout récent qui appartient à une série inédite qui sera probablement titrée globalement « Tabula rasa ». Et dans cette série de morceaux qui sont très variés, où je m'autorise beaucoup de choses, du minimal, très minimal, jusqu'au bruit, en passant par la Lorraine avec mes sabots. Et là, j'ai choisi un morceau qui s'appelle donc le camouflet et qui est, pour le coup, il s'agit aussi d'être un peu clair avec les auditeurs, je le souhaite en tout cas, qui correspond à ce que j'appelle du Klimperreich canonique, c'est-à-dire cette petite musique, souvent valse, avec du piano et des mélodies qui sont, je le souhaite, plutôt entêtantes. Justement, tu parlais du côté canonique de Klimperreich, et c'est vrai qu'on retrouve bien le piano, en fait. Et moi, les premiers souvenirs que j'en ai des premiers titres entendus, c'était toute une série de cassettes, on en reparlera après, qui étaient sorties chez Underground Productions, dans lequel il y avait un piano à quatre mains, donc joué deux personnes. Et c'était vraiment, c'était vraiment marquant. Donc, qu'est-ce que tu peux m'en dire de tout ça et retrouver des morceaux de cette époque aussi. Alors, le piano, il apparaît en même temps que le concept, que le nom de Klimperreich, à un moment où, faisant déjà de la musique depuis assez longtemps, pour revenir sur l'histoire rapidement. Je commence à vraiment faire de la musique vers 12-13 ans en forçant le piano qui traîne dans la grande salle du bas où j'habitais. C'était une maison associative et bref, il y avait une estrade, un piano inutilisé. Et un jour, ne trouvant pas la clé pour l'ouvrir, j'ai forcé le couvercle. Et j'ai commencé à bricoler le piano. Comme il était en assez mauvais état, médiocre disons, j'ai assez vite réinventé le piano préparé. Bref, à 16 ans, je commence à travailler, je m'achète une batterie et on forme une espèce de groupe paresseux dont l'ambition était d'œuvrer dans le sens du krautrock et notamment de Ashra Temple à l'époque, qui permettait de mixer des individualités assez hétérogènes. Ensuite, je passe à des bricolages divers avec du matériel vraiment très, très médiocre. J'ai déménagé, ça n'est plus possible de jouer de la batterie. Et puis, au fil du temps, j'achète un peu de matériel et je commence à développer une sorte d'électropop qui oscille entre le grotesque avec des chansons quasiment paysannes et le lyrique qui, à mon sens, préfigure Klimperreich, mais c'est toujours bien facile de réécrire l'histoire après. Donc, voilà, combinaison boîte à rythme, séquenceur, guitare électrique, voix. Je travaille seul la plupart du temps. J'enregistre énormément, donc cette période est surtout connu, entre guillemets, sous l'étiquette Los Paranos. Los Paranos qui a quand même connu une certaine consécration posthume, puisqu'un vinyle, une compilation vinyle est sortie chez Vinyl On Demand en Allemagne, il y a quelques années. Et puis je rencontre Françoise Lefebvre, qui elle est d'une culture classique plutôt, enfin en tout cas elle joue du piano, elle joue bien du piano. Et assez vite nous décidons de faire de la musique ensemble, mais assez vite elle me fait comprendre que la voix dans laquelle je suis installé ne l'intéresse pas, ne lui convient pas. Et dans le même temps, j'étais aussi dans une sorte d'impasse où il y avait un côté, une facilité, un côté rituel, enfin bref, ça tournait un peu en rond. À l'époque, je travaillais pas, peu, très peu. Il y a des périodes comme ça. Et pour acheter un piano, je décide de vendre tout mon matériel, les disques, nous achetons un piano, nous enregistrons, je me mets au solfège, j'en avais fait un peu enfant, mais là je m'y mets vraiment, pour écrire des morceaux à quatre mains, qui seront joués donc à deux, et enregistrés, tout au moins au début, avec un petit magnétophone à cassette, avec réglage du niveau d'enregistrement automatique. J'ai choisi une petite pièce tout à fait caractéristique de cette époque-là. C'est pour moi vraiment un moment charnière, c'est-à-dire à partir de maintenant, même si la forme paraît éminemment classique, c'est à partir de maintenant qu'on se met vraiment à faire de la musique. Justement, pour illustrer cette première phase, on va écouter un petit morceau de piano à quatre mains, qui ça s'appelle « Après le tilleul » et c'est toujours Klimperei. Concernant la façon de faire de la musique, en fait, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer quelle est, on va dire, ta technique pour enregistrer des morceaux, sachant que c'est souvent seul et souvent en home studio. Et moi, le sentiment que j'en ai, c'est que la mélodie, généralement, est toujours faite en premier, on va dire. Alors, peut-être que je me trompe, mais qu'après, la technique, c'est beaucoup, beaucoup d'overdub. Et vraiment de prises diverses et variées qui viennent se rajouter un peu comme des couches. Alors, est-ce que j'ai tort ou est-ce que c'est le cas? Alors, oui, tu as tort. Effectivement, ça, on peut avoir l'impression, quand on écoute les morceaux, surtout les morceaux mélodiques, évidemment, que la mélodie s'est imposée d'emblée, qu'elle était là, que le matin, on se réveille avec ça dans la tête. Pour ma part, c'est très, très rare. La plupart du temps, c'est si je suis dans l'optique de composer un morceau mélodique, je vais commencer par l'harmonie, en fait. Je vais jouer des accords avec un son d'orgue ou de piano jusqu'à ce que je trouve une suite d'accords qui me touche. Et c'est ensuite sur cette structure-là, sur cette grille, que la mélodie va se créer quasiment toute seule. Il y a une sorte d'évidence dans ce qui se produit, comme si j'y étais pas pour grand chose en fait. Donc plutôt la grille harmonique, la suite d'accords, une structure de morceaux, et en amont, si je suis vraiment dans une situation où j'ai pas de projet du tout, enfin, où, en gros, c'est tiens, je vais faire de la musique, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement. Là, c'est plutôt la sonorité, la texture. Je vais prendre un instrument quelconque, une guitare, je ne vais pas l'accorder, je vais gratouiller un peu, je vais chercher, je vais trouver ou pas. Si à un moment donné, ça prend, je me laisse porter, en fait. C'est comme si on tirait un bout de fil et puis après, le reste suit. C'est, pour ce qui me concerne, en tout cas, il n'y a pas de travail théorique en amont, il n'y a pas de composition écrite en amont, ça vient comme ça. Parfois, ça ne vient pas aussi. Ensuite, ce que tu appelles, ou ce que j'appelle la petite cuisine, donc les ajouts qui vont colorer le morceau, qui vont lui donner une certaine, un certain caractère, disons. Là, pour moi, ensuite, on est plus proche de la cuisine. Pour ceux qui se sentent concernés, tout au moins, il y a certains plats qu'on va faire et refaire toute sa vie et qui n'auront jamais le même goût parce que parfois, on met un peu plus de poivre, parfois, on met de la noix de muscade, de l'ail ou pas. On fait avec ce qu'on a, on bricole des restes et parfois, c'est vraiment très, très bon. Et là, c'est pareil. Ça va se jouer sur des questions d'équilibre. Je vais me dire, tiens, ça manque un peu d'aigu, ça manque un peu de brillant. Alors, on va essayer des cymbales ou du xylophone. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de plan. D'ailleurs, pour illustrer ceci, on va écouter un extrait. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Oudgangen. Je vais y arriver, dédicacé à David Fennec. Un morceau tiré d'un disque sorti chez Un Polisson en 2010 qui s'appelle Improvisation with Myself. Et c'est parti, ça va nous montrer un peu le style un peu abstract, minimal, expérimental de Klimperei. Parlons maintenant des instruments avec lesquels tu joues, parce que là on se retrouve souvent avec un bestiaire un peu bizarre. J'ai le souvenir de guitares pas forcément accordées de manière classique, mais des fois aussi customisées avec des planches de contreplaqué ou de plastique pour bloquer les cordes. Et puis tout un tas d'autres instruments divers et variés sur lesquels tu appuies, tu souffles, tu tapes ou... Et j'ai même aussi le souvenir de livres pour enfants qui font poète-poète et que tu peux utiliser. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de quoi se compose la boîte à outils et la malle magique de Klimperei? Alors, là, je vais reprendre un petit point d'histoire. Lorsque j'ai démarré ce qu'on peut appeler le projet Klimperei avec Françoise, nous avions à l'époque un voisin et ami Laurent Fauconnet, qui, lui, à l'époque, faisait aussi de la musique. Il était un peu entre divers genres, à la fois tenté par le jazz-rock, mais aussi le folk, jusqu'au jour où il est tombé dans la marmite des Residents, et ça a changé sa vie musicale. Bref, parmi un certain nombre de qualités, disons, ce garçon collectionnait les appos et les petits jouets musicaux, sans forcément s'en servir d'ailleurs. Et lorsque nous avons commencé à enregistrer des morceaux de piano, assez naturellement, il nous a suggéré l'idée d'intégrer aux compositions des instruments, comment pourrait-on dire, des instruments modestes. Voilà, un petit métallophone ou un petit xylophone pour enfants, c'est des instruments qui coûtent rien ou presque rien et qui donnent une coloration qui très vite nous a conquis. C'est-à-dire que à la dimension néoclassique des compositions originelles de Klimperei, s'ajoutait cet élément qui faisait basculer la musique dans quelque chose de beaucoup plus touchant, à mon sens, parce que évoquant ou faisant écho à des choses liées à l'enfance. C'est en tout cas comme ça que je l'ai vécu. Mais donc là, je me suis un peu éloigné de la question. Pour faire simple, l'instrumentarium aujourd'hui, puisque je commence à être un petit peu mature, disons, un peu vieux, il est composé à la fois d'instruments ordinaires, hein, j'ai une guitare électrique, j'ai une guitare sèche, des claviers, etc., qui sont bien utiles. En revanche, mon approche, notamment des instruments à cordes, est tout à fait empirique, puisque je n'ai jamais voulu apprendre à jouer de la guitare, donc soit je prends l'instrument en l'état et je vois ce que ça donne, soit pour des répertoires, pour les concerts par exemple, où là il faut être peut-être un petit peu plus carré, j'utilise principalement la guitare électrique, souvent préparée, avec beaucoup d'effets, et accordée en ré majeur. Ensuite, il y a tout un lot de récupération, c'est-à-dire les gens bien intentionnés me donne des guitares pourries, des percussions. On me rapporte de voyages, de vacances, des petites choses qui souvent sont fort intéressantes ou utiles. J'achète aussi de temps en temps des petites choses. J'ai quelques pianos jouets, j'ai beaucoup de petites percussions. Je pense que je dois avoir à peu près quelques mètres cubes de bordel. Des cailloux, des morceaux de métal, des élastiques, des bouts de bois. Mais je dirais que ce n'est pas très important, finalement. À certains moments de ma vie où je n'étais pas chez moi et je ne pouvais pas emmener de matériel musical, j'ai vécu plusieurs mois, par exemple, avec simplement une mandoline. Je pense que quand on est vraiment obsédé par la musique, on se débrouille avec ce qu'on a et le matériel n'est pas très important. En tout cas, pour moi, je ne fétichise pas du tout le matériel. C'est juste un moyen. Ensuite, donc, il y a effectivement le côté préparé, c'est-à-dire que j'aime bien mettre effectivement des bouts de bois, des morceaux de métal entre les cordes de la guitare, etc. Ça, c'est juste aussi pour aujourd'hui, tâchant de préparer des concerts en utilisant le moins possible de matériel pour ne pas être encombré par des bagages, j'essaye de tirer le maximum d'un seul instrument, à savoir la guitare électrique, en utilisant une pédale d'effet et beaucoup de bricolage sur la guitare. À la maison, c'est différent, effectivement, puisque là, tout est possible. J'ajouterai un point qui n'est peut-être pas souvent souligné, c'est l'importance du micro et de la prise de son. J'utilise beaucoup d'acoustique et j'enregistre de très près, la plupart du temps sans réverbération. Je pense que ça fait aussi partie de la palette, de la caractéristique du son. Il y a aussi, aujourd'hui pour moi, un petit quelque chose en plus qui apparaît peu, mais qui n'apparaissait pas du tout avant. C'est ce que j'appelle la post-production, c'est-à-dire un retravail sur le son a posteriori sur ordinateur en utilisant ce qu'on appelle des VST, des effets. Et en général, en tout cas en ce moment, je suis très porté sur ce qu'on appelle le glitch, c'est-à-dire les effets qui détruisent, qui modifient le son. Je proposerai un petit extrait de son de ce type-là juste après. Alors, en ce qui concerne les influences musicales, parce que comme je suppose que tout musicien a forcément écouté des choses avant, a des influences, et je me rappelle qu'il y a quelques années, nous étions même pas disputés, mais nous avions eu des arguments concernant la musique classique, et très souvent, par rapport à ton œuvre, beaucoup de gens comparent ce que tu fais avec du Erik Satie. Donc, je voulais savoir quelle est la place que la musique classique peut avoir dans ton imaginaire, dans tes influences, s'il y en a une. Alors oui, l'influence de la musique classique est majeure pour moi, pour une raison toute simple et qui va sans doute contrarier quelques auditeurs. C'est que de mon point de vue, la musique dite classique est la plupart du temps beaucoup plus intéressante et moderne que la musique dite actuelle. Ceci à grands traits, je vais y revenir. La musique dite classique souffre d'une image négative, à mon avis, du fait qu'elle est considérée comme de la musique bourgeoise. En tout cas, pour ma génération, c'était la manière de percevoir ce type de musique-là. C'était la musique de l'ancien temps, c'était la musique du pouvoir et des dominants. Par ailleurs, la musique dite classique souffre également, à mon avis, de l'instrumentarium qui ne bouge pas. Donc, effectivement, si vous n'aimez pas le piano, le violon, les grands orchestres, ça va être difficile. Pour ma part, j'écoute presque exclusivement deux types de musique classique, soit les compositions pour piano seul, soit les quatuors à cordes, donc des formes très restreintes. Le piano, parce que j'ai un attachement particulier à cet instrument. Les quatuors à cordes, parce que c'est vraiment pour moi une forme très proche de l'os où à la fois les sonorités sont assez exigeantes et la forme également. On ne bavarde pas trop dans les quatuors à cordes. Avec le piano, c'est plus facile. Mais ce que je voulais dire, donc au-delà de la question des sonorités ou du background politique, c'est que la musique classique, à partir, on va dire, du 19e siècle, devient éminemment intéressant. Certains compositeurs et il y en a pléthore, donc je vais forcément en oublier, mais à partir du moment où on rencontre des Satie, des Debussy, Ravel, Auric, Poulenc, en Europe centrale, les compositeurs versent vers une modernité qui est tout à fait intéressante. Si on écoute leurs œuvres d'un point de vue strictement musical, l'intérêt, la modernité est une évidence. Y a beaucoup plus de choses, je vais choquer, mais bon, enfin, peut-être pas d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de choses pour moi chez Debussy que dans les Beatles. Pourtant, j'adore les Beatles. Bon, j'aurais pu dire les Rolling Stones, mais bon, on va pas chipoter. Allergique donc à la musique dite classique, j'y suis arrivé par deux biais. D'une part, dans les années 70, l'écoute de musique dite progressive, rock progressif, qui pillait allègrement le répertoire classique sans forcément le citer, enfin sans forcément en faire mention. Et donc, on était, de manière subliminale, plongé dans une certaine culture. Et il y a eu ensuite la rencontre d'un personnage qui était un ami de ma mère, qui justement était un fou de musique aussi, mais de musique classique, et qui m'a permis justement de décoder, de comprendre que tel ou tel passage, telle ou telle chose venait de telle ou telle chose. C'est un homme qui m'a fait découvrir notamment le compositeur Jean Alain, que j'aime beaucoup, et aussi donc à partir des tableaux d'une exposition d'Emerson, Lake & Palmer, remonter sur la version orchestrale de Ravel, revenir sur la version piano, et puis quelques décennies plus tard enregistrer ma propre version de l'œuvre. Ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose que j'aurais pas imaginé à l'époque, oser me coltiner ce genre de travail. Donc j'incite nos auditeurs musicophiles à de temps en temps aller farfouiller dans ces musiques-là, parce qu'il y a vraiment des trésors, c'est immense, c'est sans fin. Le répertoire est de plus en plus accessible, notamment via les rééditions internet de disques qui étaient épuisés. Je pense que ça vaut la peine de passer par-dessus à certaines idées reçues et s'intéresser à la musique pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle représente. Toujours au rayon, on va dire, influence musicale, il y a un élément qui m'a toujours frappé chez toi, c'est la connaissance et déjà l'amour que tu portais pour tous les Allemands de la période Krautrock, et tous ces groupes comme Can, Fosnoy, Amondul. D'ailleurs, tu nous parleras sûrement de la compilation que tu as faite de tribute à Amondul. Donc, tous ces groupes de ce mouvement si mal nommé rock choucroute de manière un peu méprisante, alors que c'était vraisemblablement peut-être parmi les plus grands génies du siècle, donc à cette partie-là. Donc, que peux-tu nous en dire de ton amour, que je suppose, pour le krautrock? Eh bien, oui, j'aime le krautrock, mais je n'aime pas ce mot-là. Dans les années 70, comme j'en faisais mention tout à l'heure, nous écoutions, enfin, le cercle auquel j'appartenais, les gens que je fréquentais, la culture générale du moment, c'était plutôt ce qu'on appelle le rock progressif. On écoutait... On écoutait Yes, on écoutait Genesis, on écoutait Gentle Giant, on écoutait Jethro Tull. De la musique que j'apprécie encore, au moins de manière théorique. En tout cas, c'était de la musique très riche sur le plan de la composition. C'était en même temps une musique très convenue, c'est-à-dire qu'elle se référait plus ou moins explicitement, pour une bonne partie d'entre elles, aux structures de la musique classique classique, c'est-à-dire quand la musique classique n'est pas encore devenue moderne. Et un autre, au titre des critiques aussi qu'on pourrait formuler concernant ce mouvement musical, c'était aussi la mise en exergue de la virtuosité qui a toujours été quelque chose pour moi de particulièrement fastidieux. On était donc dans ce courant musical qui nous faisait bien plaisir. Et puis, déboule effectivement ce que tu as nommé le krautrock, on va dire le rock allemand, ce sera plus sympathique. Et j'avais la chance à l'époque d'une part d'avoir des amis qui avaient des grands frères, lesquels étaient souvent un petit peu en avance par rapport à nous sur la culture musicale. Et j'habitais Annecy. Il était très facile de prendre un car, d'aller à Genève et de farfouiller dans les bacs qui contenaient des trésors. Alors oui, le rock allemand, c'est quelque chose qui a, pour moi, considérablement modifié le rapport à la musique, parce que ces gens-là se positionnaient d'une manière un peu radicale. Et la première, c'était tout sauf du rock anglo-saxon. À partir de là, que ce soit sur le plan de la structure des compositions, de l'instrumentarium, des ambiances, bref, c'était un ovni. Quand je parle de rock allemand, j'inclus pas dans ma pensée le qu'on appelait la musique planante, c'est-à-dire qu'il y a eu en Allemagne aussi des mouvements électroniques hein, comme Tangerine Dream, Klaus Schulze, que j'aime bien aussi, mais qui pour moi ne sont pas caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler le rock allemand. Pour moi, la grande découverte, la grande révélation, le choc, c'était le premier album de Neu, qui était une binaire, répétitif, ambiant, qui avait un très beau son, et qui proposait un univers complètement différent de ce à quoi on était habitué. Le rock progressif était très plein, c'était dense, c'était une sorte de pudding dans lequel on mettait le plus de trucs possible. Et là, il n'y avait pas grand-chose, c'était plus un paysage. Good times I gave you, you always had a bad ça va être difficile de choisir un morceau pour illustrer le propos. Et j'ai bien conscience aussi que mon propos est assez pauvre. Je ne peux qu'inciter l'auditeur audiophile de se plonger dans un peu de littérature. Il y a un bouquin assez intéressant qui est sorti sur le krautrock récemment. Un livre en français, j'en ai oublié le nom d'auteur, ainsi que l'éditeur, mais Fred va certainement combler cette lacune. En tout cas, si on aime la musique, on ne peut pas faire l'impasse sur ce mouvement-là, qui est particulier, qui est toujours considéré comme novateur, donc 40 ans plus tard, qui a laissé énormément de traces et qui a produit beaucoup d'effets dans l'histoire musicale. Et il faut également avoir bien en tête qu'il ne s'agit pas tant d'un mouvement homogène que d'une volonté particulière, comme je le disais, à la fois de ne pas être anglo-saxon, mais aussi de s'autoriser à toute expérimentation. Et finalement, avec le recul, j'ai plus le sentiment que chaque groupe était vraiment un univers en soi. On peut difficilement les mettre tous dans le même panier. Je vais illustrer le propos avec un morceau de Neu, parce que pour moi c'était effectivement un moment de basculement, mais il faudrait une émission, voire davantage, pour présenter toute la palette et toute la richesse du rock allemand. We'll be right back. pièces majeures de ta discographie, selon moi, il y a le travail réalisé à partir des morceaux de Claude Sève que l'on retrouve sur des cassettes comme Vilain Chien et des morceaux que tu as repris dans différents albums. Alors Claude Sève, je pense que les auditeurs n'en ont jamais entendu parler, le contraire m'étonnerait. C'est un peut-être l'auteur français le plus méconnu et l'un des plus géniaux en tout cas, qui est décédé il y a quelques années. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et nous dire, je pense, tout le respect et l'amour que tu avais pour lui? Ma rencontre avec Claude, c'était au départ une méprise. Dans les années 80, j'avais proposé un manuscrit pour le prix Kowalski, qui était un prix octroyé par la ville de Lyon. Et j'étais donc allé à la remise du prix, qui je crois était revenu à Patrick Dubost. Et à l'époque, un autre personnage qui allait devenir un ami également, Philippe Grand, était là également, il avait également concouru. Et ce qui a fait le lien avec Claude, c'est que Claude a, pour une raison que j'ignore, on ne s'était jamais rencontré. On avait échangé quelques courriers. Claude a cru que Philippe était moi, ou le contraire, je ne sais plus. Cette petite méprise a en fait créé un lien à la fois pour moi avec Philippe et aussi avec Claude. Claude Sève, j'avais eu quelques contacts avec lui auparavant. Il était membre du comité de lecture de la revue Verso, à laquelle j'avais envoyé quelques textes. C'était, au tout début de mes velléités de poète moderne. Et il a été un des rares à me répondre, d'une part, beaucoup ne répondaient pas, et il a été un des rares à me répondre de manière positive, même si, dixit, les autres membres du comité de lecture n'étaient pas favorables à la publication de mes textes. Lui, en tout cas, l'était. On a fini par se rendre chez Claude. J'ai surtout souvenir d'excès de boissons, d'expérimentations gastronomiques étonnantes, mais surtout d'un personnage étonnant, c'est-à-dire qu'il avait l'art de prendre à contre-pied les clichés, les habitudes, les évidences. Je crois que c'est surtout ça qui m'a marqué chez lui, c'était cette capacité de prendre à revers, de prendre à rebours, c'est-à-dire que même quand on était persuadé d'être en phase avec lui, il vous faisait la démonstration par A plus B que non, peut-être était-ce par malice, en tout cas, c'était très stimulant. Avec le temps, j'ai fini par intégrer le comité de lecture de la revue Verso, ce qui veut dire que j'ai bu davantage avec Claude, et lequel Claude m'a beaucoup orienté dans mes lectures, un peu dans la musique, mais moins, mais surtout dans les lectures. Et voilà, c'est quelqu'un, ça fait partie des figures de ces gens qu'on rencontre un jour dans sa vie et qui vous marquent. Je l'ai côtoyé quand même un certain nombre d'années, puisqu'on l'a connu jusqu'à la fin de sa vie. Mais voilà, un personnage, une figure un peu paternelle, bienveillante, malicieusement bienveillante, hein, belle culture et un côté iconoclaste. Je vais lire quelques textes de Claude, puis je reviendrai sur la jeunesse de Vilain Chien. L'autre jour, Claude Sève m'a dit quelque chose de très profond que j'ai oublié au fond. Timide, il jouait du trombone en coulisses. C'est pas toujours jamais, mais c'est jamais toujours. Le crapaud buffle, moi pas. Le printemps revient, comme un con qui n'aurait pas fermé son gaz. Du courage pour chaque jour, et de la courge le dimanche. C'est la tristesse qui me rend triste, quoi, c'est l'angoisse qui m'angoisse. Je voudrais être une blonde, faire de grosses bêtises et apprendre à nager la brasse papillon. Je souffre que mes mots dépassent ma pensée. C'est pas parce que je suis vieux et con qu'il faut me prendre pour un vieux con. Voilà, donc les textes de Claude Sève se trouvent assez facilement pour peu qu'on s'en donne la peine. Sur Internet où tout se trouve, inutile d'aller dans le Darknet pour trouver Claude Sève. Alors, dans le cadre de ces échanges, de ces réunions, de ces comités de lecture, un jour, Claude, un peu timidement, me dit, tu sais, j'ai composé un certain nombre de chansons. Donc, en fait, chansons qu'il ruminait dans sa tête ou bien qu'il chantait a cappella dans sa voiture en allant ou en revenant du collège ou du lycée dans lequel il enseignait. Il était notamment professeur de latin, de lettres aussi, j'imagine. Et qu'il avait fini par enregistrer a cappella sur une cassette. Cassette qu'on trouve d'ailleurs sur archive.org, je l'ai mise à disposition récemment. Et il demande si on se sent d'orchestrer, d'arranger ces chansons qui en fait sont très bien foutues à la fois d'un point de vue musical, mais surtout d'un point de vue des paroles. Les paroles sont très chouettes. C'est des chansons faciles à chanter qui sont sur divers registres et qui touchent beaucoup d'auditeurs, enfin quel que soit l'âge. Ou le mieux est sans doute d'en passer quelques extraits, sachant que ça sonne un peu vieux quand même, parce que ça a été enregistré, pour autant que je me souvienne, dans les années 90, avec un matériel relativement modeste. Justement, pour illustrer ce que tu viens de dire, ce que je te propose et ce que je propose aux auditeurs, c'est de voir la trajectoire d'une chanson en particulier de Claude Sève qui s'appelle « Le pont des regrets ». On va l'écouter d'abord enregistrer, comme tu le disais, de manière vieillotte lui-même, a cappella avec sa voix. On en écoutera ensuite une autre version que tu as enregistrée dans un des disques de Deleted. Et pour finir, toujours la même chanson, enregistrée cette fois-ci avec un de tes groupes live qui s'appelait Lapin Gris. Et pour voir que quand on écrit une bonne chanson, en fait, ça tient toujours la route, quels que soient les arrangements que l'on puisse faire. Je traverserai le pont des regrets sans soupir et sans peur. Je distribuerai les sourires complets aux chiens des convoyeurs. Et puis le front levé et la lèvre pendante, sans envie mais poussée au cul par les suiveurs. Je viendrai me placer dans la file d'attente, sous la voûte obscurcie de funèbres vapeurs. La journée sera comme un soir qui tombe, j'allumerai mes feux. Aux appels de phare venus d'outre-tombe, je fermerai les yeux. Et si le flot montant des âmes voyageuses m'entraîne jusqu'au jour qu'on devine au-delà, en lisant sur le mur éteignez vos veilleuses, je saurai qu'est venu le moment d'être là. Je traverserai le pont des regrets sans soupir et sans pleurs. Je distribuerai des sourires complets aux chiens des convoyeurs. Et puis le front levé et la lèvre pendante, sans envie mais poussée au cul par les suiveurs, je viendrai me placer dans la file d'attente, sous la voûte obscurcie de funèbres vapeurs. La journée sera comme un soir qui tombe, j'allume. façon peut-être un peu étrange pour ceux qui ne connaissent pas ton œuvre, en fait, il s'avère que tu es beaucoup plus apprécié ou moins connu au Japon plutôt qu'en Europe ou aux États-Unis. Et peux-tu nous dire pourquoi, à ton avis, les Japonais ont une telle, on dirait une telle révérence pour Klimperei, sachant qu'il y a eu pas mal de disques qui ont été sortis sur des labels, qui ont fait des compilations complètes. Enfin bref, tu es, comme on disait à l'époque du rock'n'roll, big in Japan. Cette question m'a beaucoup taraudé parce que lors de la mini-tournée qu'on a effectuée au Japon il y a quelques années avec Madame Patate, j'avoue avoir été très impressionné par diverses choses, on va dire des indices, des détails. D'une part, l'audience, c'est-à-dire que nous avons joué dans des salles moyennes, mais à guichets fermés chaque fois, que certaines personnes ont fait le trajet Tokyo-Okinawa pour nous voir jouer à Okinawa, ce qui suppose donc un petit trajet en avion quand même, que j'ai signé des dizaines d'autographes, peut-être des centaines, je ne me souviens pas vraiment, que j'ai aperçu au passage des signatures d'autographes, des partitions de mes morceaux, de vraies partitions imprimées, etc., que j'ai appris que certains de mes morceaux étaient considérés comme des hymnes toy et qu'ils étaient joués par un certain nombre de groupes. J'ai fini par récupérer un peu des éléments. Tout ça assez difficilement parce que la communication avec le Japon, avec les Japonais, n'est pas facile. Il y a la barrière de la langue parce que finalement, assez peu parlent anglais correctement. Mais je pense que l'écart est surtout culturel. Ensuite, effectivement, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette notoriété, pourquoi ce succès, entre guillemets. Il y a deux éléments. Il y en a un qui est historique, que je ne connais pas vraiment, mais qui a trait à la distribution. Il y a, on va dire dans les années 90, il y avait un très gros label qui faisait... surtout de la distribution, qui s'appelait Locus Solus, qui était piloté par Watanabe, qui a fait un gros travail, je pense, en lien avec le label Aya en France, un gros travail de mise en visibilité de Klimperei. Il y avait le lien avec le label Nouvelle Selle Poème, qui visiblement a fait du bon travail aussi. Je dis visiblement parce que tout reste... opaque, non pas par souci de dissimulation, mais je pense que c'est vraiment un écart culturel qui fait que la communication n'est pas facile. On m'avait dit un jour, si un Japonais ou une Japonaise te dit oui, ça veut dire peut-être, et si on te dit peut-être, ça veut dire non. Ça donne une idée de la difficulté, enfin des niveaux de communication, de la difficulté des niveaux de communication. Ceci étant, ça ne répond pas à une question fondamentale, c'est-à-dire pourquoi cette musique-là touche l'âme japonaise. Sachant que l'âme japonaise est également touchée par la noise Motorhead, Mireille Mathieu, etc. Mais peu importe, il y a en tout cas une audience japonaise pour Klimperei qui est largement supérieure à l'audience française ou européenne. Je pense, et j'ai eu cette pensée, cette révélation en quelque sorte, en me disant finalement, les gens avec qui on joue, au Japon, on était accompagnés pour quelques concerts par deux musiciens, Itoken et Shugo Tokumaru, et puis il y avait des groupes qui jouaient avant, qui jouaient après, enfin bon. Et la plupart étaient, entre guillemets, techniquement, largement supérieurs à ce que l'on proposait. Techniquement parfait, mais précisément dans l'incapacité d'avoir ce petit pas de côté, cette hésitation, ce doute, ce flou, que pour ma part, j'assume très bien. Donc tout ce qui relève du boitement, de la dissonance, de l'imprévu, et je crois que c'est surtout l'imprévu qui est difficile pour eux, culturellement, ça les fascine. C'est l'entre-deux qu'on retrouve par exemple dans la musique de Debussy. C'est des espèces d'ambiguïtés tonales, enfin des ambiguïtés chromatiques. Ils sont tout à fait capables de le reproduire, de le refaire, mais ils ne peuvent pas le générer. C'est quelque chose qui n'est, je pense, pas possible culturellement pour eux. Bref, hypothèse. C'est pas forcément très intéressant ni très pertinent, mais c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. En tous les cas, cette petite tournée de 4 dates au Japon m'a permis de rencontrer des fans comme je n'imaginais pas qu'il pût en exister. Des gens au bord des larmes parce qu'ils vous voient en chair et en os. C'est extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Et j'avoue que le retour à la vie ordinaire, puisque un jour après mon retour du Japon, j'ai repris mon activité professionnelle d'aide-soignant, c'était assez étrange. On va changer radicalement de sujet maintenant parce qu'on va reparler de littérature, parce que non seulement tu fais de la musique, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé depuis le début de l'émission, mais tu écris des textes, alors qu'on peut qualifier de poèmes plutôt en prose. Tu écris plein de choses depuis des années. Est-ce que tu peux nous en parler et, si possible, nous faire une petite lecture d'un des textes qui te plairait ? L'écriture, c'est, j'allais dire, presque aussi ancien que la musique. Je ne sais pas. Je ne suis pas issu d'un milieu où la culture était connue, appréciée, mais le milieu n'empêchait pas non plus de faire des choses si on le souhaitait. Donc mes parents ne m'ont pas transmis grand-chose, mais vraiment pas grand-chose en termes de culture générale. En revanche, ils n'ont jamais empêché mes velléités. Une des questions qui pourrait se poser, qui est sans doute sans intérêt, mais c'est pourquoi ce besoin de créer ? Pourquoi vouloir écrire ? Pourquoi vouloir faire de la musique ? Pourquoi vouloir peindre, dessiner, fabriquer des objets, etc. De mon point de vue, la réponse est relativement simple. Je pense qu'il s'agit simplement d'une nécessité pour parvenir à un équilibre psychologique satisfaisant, évacuer des choses de manière facile, enfin confortable. Donc l'écriture, pour moi, en tout cas, de le souvenir que j'en ai, commence relativement tôt, suite à des lectures de romans fantastiques comme Jean Rey, par exemple. Donc là, je me mets à écrire des nouvelles fantastiques probablement très mauvaises. Puis, alors que moi, j'ai quitté le cursus scolaire, même la plupart de mes amis ne l'ont pas fait, je continue de suivre finalement le contenu de leurs cours de manière indirecte. Je découvre notamment Prévert et Boris Vian, surtout les poèmes de Boris Vian. Et je bascule dans la poésie qui me paraît être une forme plus libre. Et j'écris donc de très mauvais poèmes pendant une décennie, on va dire, avant d'arriver à un niveau qui me semble relativement satisfaisant, avec également l'aide critique implacable de Françoise Lefebvre, qui, elle, en revanche, possède un bagage culturel conséquent, en tout cas largement plus conséquent que le mien. À partir de là, les contacts avec les revues, comme j'en parlais tout à l'heure à propos de Claude Sèvres, les contacts avec les revues se multiplient. Je cherche à publier parce que je cherche à tester, à valider ce que je fais. Et finalement, ça marche, entre guillemets, c'est-à-dire que assez vite, il y a une reconnaissance de ce que je fais, du style. À tel point que, au bout de quelques années, m'a été donné, par exemple, de faire un numéro spécial pour la revue mensuelle 25 ou un numéro spécial pour la revue Verso. Tout ça ne dira pas grand-chose aux auditeurs, mais en tout cas, pour moi, c'était extrêmement important puisqu'il y avait cette validation par des pairs ou voire même des anciens. Et c'était important parce que je n'avais qu'une conscience relativement diffuse, instinctive de la qualité de ce que je produisais. Pour donner un exemple, à contrario, pendant une dizaine d'années, j'ai essayé de faire de la peinture à l'huile, de la peinture. J'avais une idée très précise de ce que je voulais obtenir et je n'y suis jamais arrivé. Je crois qu'il ne reste aucun tableau. Je crois que je n'ai laissé aucun tableau intact. Mais pour la partie écriture, en revanche, j'ai eu le sentiment d'approcher un niveau, un résultat, quelque chose qui correspondait à ce que je souhaitais, ce que j'avais en tête. Nombreuses publications en revue, publications de ce qu'on appelle plaquettes, petits livres, plus des publications sous pseudonyme de textes plus sulfureux, comme on dit. Bref, à un moment donné, on a une conscience, enfin, on pense que on a atteint quelque chose. À partir de là, publier ne m'a plus tellement intéressé, dans le sens où je n'avais plus besoin de vérifier. En revanche, la plupart du temps, je donne suite aux demandes qui me sont faites d'écrire un texte pour un événement ou une situation particulière, ou une thématique. Depuis quelques années maintenant, je travaille sur un unique ouvrage qui s'appelle « Le Héron », qui est une espèce de tentative désespérée de constituer un gros paquet de souvenirs, de rêveries, de fantasmes, d'éléments objectifs du quotidien, d'éléments subjectifs du quotidien, Et tout ça destiné a priori à une seule lectrice qui est ma fille Lola, qui aujourd'hui a 10 ans et qui lira peut-être cela dans une dizaine d'années. Dans une dizaine d'années, j'aurai 68 ans si je suis encore vivant. En tout cas, tant que je suis vivant, je continuerai cet ouvrage. Et puis ensuite, ce sera donc mon testament en quelque sorte. Enfin, pas mon testament, mais la transmission. Ceci étant, le texte n'est pas privé dans le sens où des extraits en sont publiés sur Internet, sur un Tumblr, et où ce travail a bénéficié par deux fois déjà d'une bourse à l'écriture de la région Rhône-Alpes, donc sur la base à la fois du projet lui-même, la description théorique du projet, mais aussi des extraits qui en sont donnés. À savoir qu'aujourd'hui, si je compte à la fois les parties qui sont mises au propre et celles qui sont en chantier ou en friche, on doit être à peu près à 1000 pages. Je parle de pages format livre. Tout petit extrait donc de ce texte-là. C'est assez difficile de détacher des morceaux, mais ma foi, pourquoi pas. Araignée morte de l'île de la désolation. Héron s'assoit sur son petit tabouret en bois qu'il tient de son père. Pose sur ses genoux son petit cartable en carton bouilli, en sort son goûter, bien rangé dans un sac en papier, emballé dans du papier d'aluminium, avec autour du papier de soie et des rubans, du scotch, des agrafes. Il se débat, s'énerve, enrage et s'en veut. Le pain s'émiette, le jambon tombe par terre, de toute façon, il n'avait pas faim. Les araignées mortes de l'île de la désolation bougent un peu. C'est le vent, je suppose. Une mouche, c'est triangulaire. C'est intarissable, c'est-à-dire intarissable. Araignée morte de l'île de la désinvolture, sentir sur le lit son ventre trop gros, tâcher d'oublier les acouphènes, déplorer depuis toujours d'avoir une ou deux narines bouchées, et encore, la sinusite n'est plus qu'un souvenir. Douleur habituelle, pied droit plus dommages collatéraux, cheville, genou, hanche. Quoi d'autre? Le bruit du monde? La folle dans la cour qui parle à son chat? Comme certains adultes niais parlent à un petit enfant? Le dingue dans la rue qui, à genoux sur le trottoir, hurle des menaces et des insultes sous la porte d'entrée d'un immeuble et, acouphènes, les couvercles des poubelles bruyamment refermées, toutes les télévisions qui distillent leur interminable tissu lénifiant comme bave suave, s'agacer à passer et repasser la langue sur une molaire chargée d'amalgame, topographie rugueuse, bricolage du corps et sommeil, tellement sommeil. Pour faire écho, fourbement, ce jour-là, comme tous les autres jours, M. Héron était content. Tout était calme, harmonieux, symétrique. Il y tenait. En parfaite santé, il savait qu'il ne mourrait jamais, que la famille aimante qui l'entourait continuerait de le chérir sans jamais faillir, que les succès et les joies continueraient d'emplir, sans euphorie excessive, leur quotidien. Le monde était en paix depuis toujours. Le chien des voisins était si drôle, si affectueux. Le gazon ne poussait pas, ce qui évitait de le tondre. Il ne pleuvait que la nuit, de 2h à 4h du matin, et tout le monde était content. Les jours se succédaient délicieusement. Monsieur Héron occupait un emploi où ses compétences faisaient merveille. Comme tout un chacun, il était responsable du monde et veillait avec attention à ce que tout aille pour le mieux. Nulle déviance ne venait troubler cette félicité, pas même un petit nuage. Le moindre gravier était à sa place, immuable, bienveillant, collé solidement, afin qu'aucun désordre jamais ne puisse venir troubler cette vie parfaite. Thank you. Retour à la musique maintenant, parce que tu nous as pas mal parlé de ce que tu fais habituellement. Dire la Toy Music. Tu nous as parlé aussi de tes influences du psyché, kraut, tes influences de la musique classique. Mais il y a un autre domaine dans lequel tu es aussi intervenu, je dirais avec bonheur, c'est la musique industrielle. Et d'ailleurs, la première fois où je pense où je t'ai rencontré, c'était pour le concert de Totentanz, groupe industriel qui était avec Eric Chabert, dont on reparlera plus tard, et qui et vous jouiez d'ailleurs à l'époque dans une ancienne synagogue désaffectée. Pour moi, c'était le premier contact avec un monde entièrement nouveau. Je venais du rock'n'roll et là, je voyais de la musique expérimentale dans un lieu squatté tout bizarre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Totentanz, sachant aussi que tu as joué avec Jean-Pierre Espil à l'intérieur? Très chouette souvenir. D'abord, ce concert construit de manière complètement aléatoire. Et je crois que c'est un des rares concerts que j'ai pu contribuer à mettre en place, non pas par paresse, mais par une certaine incapacité quand même à m'organiser de manière efficace sans consommer une énergie considérable. Donc, concert, oui, dans une synagogue désaffectée, concert d'autant plus mémorable qu'il rassemblait sur une même affiche les fameux Totentanz, donc, mais aussi les Mauvais Garçons, un groupe de punk rock auquel je crois que tu n'es pas sans avoir été associé, une phrase un peu tordue, mais aussi In Aeternam Valley, qui continue d'œuvrer en solo aujourd'hui sous le nom de Laurent Pro ou IAV. Voilà, donc un bel événement dont on n'a aucune trace, ni image, ni son. Alors, Totentanz, pourquoi ? Eh bien, je n'en sais rien. Toujours est-il que dans les années 85 à peu près, Eric Chabert, donc ami récent, me fait part de sa collaboration musicale avec un certain Roland Sapin, bassiste. Et je ne sais plus comment ça s'est goupillé. J'ai proposé ou on a inventé quelque chose. Et on a essayé, à savoir donc une espèce d'hybride entre ce que ma culture pouvait me donner envie de faire, à savoir pour le coup plutôt du côté krautrock et plutôt du côté Neu, et pour ce qui concernait Eric, des choses qu'il m'avait fait découvrir tout récemment à l'époque, comme Einstürz in den Neubauten ou Psychic TV. I'm a barrier. On était dans du binaire, répétitif, industriel, tribal. Eric hurlait des choses incompréhensibles dans un micro qui saturait furieusement. Roland Sapin, alias Pimpin le Bitu, jouait de la basse avec obstination. Je jouais quelques riffs de guitare extrêmement saturés, le tout sur une base préenregistrée sur bande magnétique d'ailleurs, à l'époque, de boîte à rythme séquenceur assez minimaliste et répétitif aussi. Il existe des traces sonores de certains concerts. Je pense qu'il reste des traces du concert à l'INSA. Je suis sûr qu'il reste des traces du concert à Carcassonne avec Jean-Pierre Espil, puisque j'ai remasterisé récemment la chose. Et effectivement, ça existe toujours. Il y a des traces, il y a même un peu plus que des traces. On a écouté juste avant un premier extrait de ce concert à Carcassonne avec Jean-Pierre Espil. Je te confirme aussi que celui de l'INSA, je l'ai retrouvé il y a peu, qu'on aura l'occasion de le ressortir, mais on va recontinuer à écouter un autre extrait ici de ce concert à Carcassonne avec Jean-Pierre Espil. Donc voilà, Totentanz, une répétition entre guillemets par semaine, des morceaux semi-construits, des espèces de cadres dans lesquels chacun fait ce qu'il veut, mais sans être bavard. Et puis trois concerts et deux albums. On retrouve dans Totentanz, à mon avis, on trouve dans Totentanz les germes de ce que l'on retrouvera beaucoup plus tard dans le groupe Dan, avec Eric au chant toujours, mais pour ma part la batterie, et deux autres comparses, Sylvain Santelli et Nicolas Folch, respectivement à la guitare et à la basse. Jean-Pierre Espil, poète stonien, je ne sais pas comment on le prononce, très proche de ce qu'on appelait à l'époque le réseau 666, de la poésie qui flirtait avec la magie noire, le mysticisme, l'érotisme, le fétichisme. Après, ça dépendait des tendances. Jean-Pierre était et est toujours, je pense, très proche des forces brutes de la nature. Avec José Galdo, ils ont vraiment construit un univers poétique extrêmement riche, dense et pas drôle du tout. Et puis Jean-Pierre s'était lancé dans l'aventure, comme on dit aujourd'hui, de la poésie sonore. Donc dans ces années-là, il avait fait l'acquisition d'un sampleur. Donc c'était des machines à l'époque qui étaient très rudimentaires, mais comme il n'avait pas de connaissances musicales, il abordait la chose sous un angle complètement innocent et brutal en même temps. Et il en tirait des choses étonnantes. Et donc, il était un jour de passage à Lyon. Était-ce vacances, était-ce performance, lecture, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a eu l'occasion de faire une session studio, enfin une session de répétition ensemble, de se dire que ça marchait plutôt bien et de donner suite ultérieurement à une proposition de concert donc à Carcassonne. Performance qui a dû se dérouler devant 10 personnes maximum. J'espère qu'il leur en reste un souvenir, au moins pour quelques-unes. Je me souviens en tout cas de quelqu'un qui était fort content et qui a dansé pratiquement tout le temps. Je me souviens aussi d'une petite dame qui, ayant abusé des boissons alcoolisées, est tombée de sa chaise. Et me voyant rire, sa fille m'a lancé « Ce n'est pas drôle ». Bref, en tout cas, il y a des traces, il vaut mieux écouter les traces sonores plutôt que disserter là-dessus. En tout cas, c'était intéressant parce que c'était aussi un moment de mixage entre des genres différents, c'est-à-dire que Jean-Pierre était quand même beaucoup plus dans la poésie sur papier. Il commençait à mettre un pied, un doigt dans le son. Et voilà. Et nous, on était dans la musique, le groupe, de manière un peu traditionnelle. Et ce mélange, pour ma part, m'a beaucoup plu, d'autant que Jean-Pierre Espil possède, comme on le dit plaisamment, un fort bel organe. J'ajoute un mot pour revenir sur un des tout premiers éléments de ta question, là. L'atelier musique n'est pas pour moi ni une finalité, ni représentatif de l'ensemble de mon travail. Il se trouve qu'à un moment donné, Klimperei, les compositions publiées sous le nom de Klimperei, qui effectivement utilisaient des instruments jouets, ont été bien identifiées et ont bénéficié d'une certaine notoriété. Ceci étant, mon travail musical, ce qui m'intéresse, dépasse largement le cadre de la toy musique et a fortiori d'une toy musique qui serait orientée en direction des enfants. C'est pas du tout le cas. Ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter. Je suis aujourd'hui beaucoup plus dans des travaux utilisant principalement la guitare électrique de manière expérimentale, entre guillemets, c'est un peu une banalité, mais enfin, guitare préparée, beaucoup d'effets, plus quelques instruments, avec l'idée d'y introduire également, je n'ai pas encore tout à fait trouvé l'équilibre, le bon calibrage, mais avec l'idée d'intégrer aussi du texte. J'ai envie de sortir de ce cadre toy music qui... comment dire, est à la fois pour moi une facilité, c'est-à-dire que je pourrais composer, produire de la toy musique régulièrement, facilement, parce que c'est quand même aussi quelque chose que j'aime. Pas tant d'ailleurs la question de l'utilisation d'instruments jouets que d'aborder un certain type de musique qui est faussement simple et qui est très basée sur la mélodie. Le rythme m'intéresse, le bruit m'intéresse, la texture m'intéresse et je ne veux pas me priver de ces voix-là au prétexte que Klimperei occuperait tout l'espace. C'est difficile parce que souvent c'est ce que le public attend et je me souviens notamment de ce concert au Divan du Monde où suite à une méprise qui n'a jamais été corrigée par les annonceurs et journalistes, j'avais été invité à faire la première partie de Shugo Tokumaru qui était en tournée en Europe. La formation de l'époque, le travail de l'époque consistait en un duo de guitare électrique avec Dominique Grimaud. Nous avions embauché pour l'occasion David Fenech. Les morceaux étaient uniquement basés sur la guitare électrique. Il n'y avait rien d'amusant, rien de pittoresque. Et du coup, c'est vrai que la moitié de la salle s'est vidée. Une moitié est restée. La voix et le noir de l'os, comme infime poussière née de la nuit. Le larynx empathie, c'est l'or qui s'essuie la gueule à la planète rouge, comme au centre de combat, itinéraire velu. Que brûle le casque gris. Tuer les reins d'eau noir, ouragan du sud des cieux. Tout à l'heure, je parlais donc d'Éric Chabert et justement, je voudrais qu'on en reparle. Parce que c'était un ami proche, en fait, quelqu'un qui était, pour ceux qui l'ont connu, qui était, on va dire, marquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être un des génies méconnus de ce siècle, on ne le saura que dans 150 ou 200 ans. Mais toujours est-il que l'un des derniers disques que tu as pu sortir, c'est un album qui s'appelait Dealings, où lui chantait. Et c'est un album en fait assez émouvant parce que c'est le... En fait, c'était le tout dernier album, enfin la toute dernière fois où il a pu faire quelque chose avant son décès et où il pose sa voix de manière assez touchante. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse et la réalisation de cet album ? Oui, bien volontiers. D'abord, revenir juste un petit peu sur l'histoire, la rencontre avec Éric Chabert. Donc, c'est là aussi dans le milieu des années 80. Éric Chabert avait un fanzine qui s'appelait Les Enfants du Placard, si mes souvenirs sont bons, et qui, même si principalement axé punk rock, était bien à l'écoute des musiques un peu déviantes. Il se trouve qu'il a un jour trouvé trace de mon existence dans une obscure revue espagnole, laquelle faisait mention d'une cassette ou d'une participation à une compilation. Il faut bien se remémorer le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc que toute communication était lente et, comment dire, lapidaire. Bref, un jour, je suis contacté, peut-être par téléphone ou par courrier, par Éric Chabert qui voulait réaliser une interview, si mes souvenirs sont bons, pour la revue Les Enfants du Placard. Ce serait assez drôle d'ailleurs de voir si ce document est toujours disponible. Moi, je ne suis pas un grand archiviste, donc ne comptez pas sur moi. Bref, Éric vient à la maison, nous réalisons l'interview, nous sympathisons, et là commence une amitié donc, qui va durer une trentaine d'années. Une amitié forte, basée sur aussi des allers-retours, Eric étant quand même aussi un sale bonhomme et capable d'être de très mauvaise humeur si on n'écoute pas le bon disque ou le bon groupe. Mais bon, on fait avec et de toute façon, ses qualités sont bien plus nombreuses et importantes que ses défauts, lesquels font également partie de son charme. Donc, il y a eu l'histoire Totten Dance dont on a parlé tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de choses avec Eric. Il y a eu le label Underground Productions dont tu parleras peut-être aussi et que tu es en train de remonter en ligne sur Bandcamp et pour lequel j'avais aussi eu l'honneur et l'avantage de piloter quelques collections particulières et de publier des choses qui, encore aujourd'hui, me paraissent de très haute tenue, je pense à Brume, Escort, La Rédemption électrique, Eric Vatier, et j'en oublie certainement. La question, c'était comment on arrive à faire un disque avec un Chabert en fin de vie, il faut bien le dire. Lorsque l'annonce de sa maladie était faite et relativement compréhensible, à savoir que bon, les choses étaient claires, peut-être que le délai était variable ou souhaitablement variable, mais que malgré tout, le temps était compté. Nous avons pris implicitement l'habitude de nous voir une fois par semaine. C'était la plupart du temps lui qui se déplaçait d'ailleurs pour venir me voir, puisque je travaillais, et lui pas, et puis c'était aussi l'idée de se dire que ça le faisait un petit peu sortir de chez lui, car il avait quand même une fâcheuse tendance, malade ou pas, à habiter son canapé de manière permanente. Bref, nous nous voyons, nous mangeons des pizzas ou des nems, nous papotons, nous écoutons de la musique, et puis je ne sais plus comment ça démarre, mais je me dis que peut-être ce serait bien de faire quelque chose ensemble. Éric ayant toujours eu l'envie de chanter, s'étant toujours positionné comme non-musicien, mais avec cette envie de chanter, donc où il a chanté dans Totten Tanz, il a chanté dans le groupe Dan, il a chanté dans d'autres groupes, notamment des groupes punk rock. Et à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place, qui viennent de divers horizons. J'avais des textes, des chansons, des textes de chansons, que m'avait envoyé John B. Cornaway. J'avais déjà mis en musique certains textes de John sur un mini-CD qui était paru chez Jardin aux Fous. Et puis, comme l'exercice nous avait bien plu, on avait trouvé que c'était réussi. John m'avait envoyé des textes et puis j'avais un peu laissé ça de côté. J'étais sur d'autres projets, et bref. Et puis à un moment donné, les choses se mettent en place toutes seules. On se dit que oui, on ferait bien de la musique. Et puis que ben oui, on a des textes. Les textes conviennent à Eric. John est d'accord sur le principe et on démarre cette espèce de musique que pour ma part je qualifierais un peu de rock élémentaire minimaliste, parce que c'était aussi un travail vraiment en commun avec Eric, c'est-à-dire que s'il a très peu participé à la musique en tant qu'instrumentiste, il y a beaucoup participé en tant que conseiller artistique, disons. Donc je proposais des choses, des mélodies, des accompagnements, des sonorités, et on validait ça ensemble. Et donc les enregistrements se sont faits au fil du temps, c'est-à-dire que au lieu de passer du temps vautré sur un canapé à écouter de la musique et à glousser en buvant des boissons alcoolisées, on s'est mis à travailler et à faire quelque chose ensemble. Les derniers temps, Eric était ne pouvait plus se tenir assis, donc j'avais installé une sorte de pseudo-canapé en coussin dans mon petit studio d'enregistrement. Et on est allé jusqu'au bout du projet. On a même travaillé, là on était un peu fou, mais on a même travaillé des morceaux dans la perspective d'un concert pour la sortie du disque. Et donc ce projet était soutenu par le label Bruit Direct, donc a été publié en vinyle. C'est un bel objet, c'est un beau souvenir, c'est une très belle chose que d'avoir fait ça ensemble et d'avoir la voix d'Eric qui est là. La seul élément dommageable, c'est que Eric n'a pas pu tenir l'objet disque fini entre ses mains, et ça s'est joué à pas grand chose, mais il a pu voir la pochette, valider la pochette, les textes, le mastering, etc. Et je crois, j'ai pas du tout envie de me vanter ou de donner dans un sentimentalisme quelconque, mais je crois quand même que ce petit bout de chemin, ce petit projet qu'on a eu ensemble sur la fin, c'était rudement important. Cloudy rainy showers and pour, being wet through to the skin, so do have a cup of tea, my friend, a cup of tea. Do have a cup of tea, my friend, a cup of tea. Too hot, too warm, heat with dog dead, clothes and sultry. Too hot, too warm, heat with dog dead, clothes and sultry. Go have a cup of tea, my friend, a cup of tea. Go have a cup of tea, my friend, a cup of tea. What time's all me stand for? A snap of sperm, or it is cold. Do have a cup of tea, my friend, a cup of tea. Do have a cup of tea, my friend, a cup of tea. I see nasty chill to the bone, a pitching cold, snow legs all day. I see nasty chill to the bone, a pinching cold, snow legs all day. Do have a cup of tea, my friend, a cup of tea. Do have a cup of tea, my friend, a cup of tea. Have a cup of tea, my friend, a cup of tea. Have a cup of tea, my friend, a cup of tea. Pour continuer dans la même veine avec Éric Chabert, donc avant, quelques années avant cet album, il y avait aussi une collaboration qui s'appelait Dan, dont tu as vaguement parlé tout à l'heure, auquel tu disais que tu jouais de la batterie, dans lequel il y avait aussi Sylvain, Nico. Et c'est un groupe qui était assez impressionnant en fait à voir, parce que c'est, on pourrait dire, du free rock, de l'improvisation classique, un peu comme font les jazzmen, mais sauf que là avec une tonalité très rock. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? D'où est venue l'idée ? Comment ? Pourquoi ? Et d'autres choses. Eh bien, comme souvent, je ne me souviens pas exactement la manière dont les choses se sont initiées. Avant Dan, il y avait un groupe du même acabit, mais sans chanteur, qui s'appelait Panparag, les mêmes protagonistes, le chanteur en moins. Et encore avant, j'avais joué avec Sylvain et deux autres acolytes, Yann et Jeff, pour une espèce de math rock où assez vite je me suis ennuyé, à dire vrai. Comme souvent, l'idée c'est de faire du bruit, de, pour ma part, retrouver le plaisir de jouer de la batterie, même si je ne joue pas très bien. Je pense que j'ai au moins le mérite d'être régulier. Sylvain utilisait une guitare électrique avec des sons souvent curieux, un looper. Nico tenait une basse inventive et obstinée. Et puis, donc Eric nous a rejoints pour cette aventure, comme on dit aujourd'hui, un peu bêtement, qui a donné lieu à l'enregistrement de nombreux morceaux, lesquels sont pour grande partie, disponibles sur un Bandcamp gratuitement. L'idée, c'était une improvisation totale, aussi bien musicale que textuelle. Et j'ai souvenir d'Eric se mettant dans des états de réelle transe. J'ai su d'ailleurs qu'il lui fallait quelques heures de récupération. Après chaque séance, on appelait ça des répétitions, mais ça n'en était pas. Donc c'était des séances d'enregistrement. Il y a eu deux concerts, je crois, ou peut-être un seul. En tout cas, il y a eu beaucoup trop peu de concerts pour cette formation qui était essentiellement dédiée, au moins dans l'idée, à jouer en live. La musique était répétitive, obsédante, expérimentale. Mais surtout, l'ingrédient essentiel, c'était la totale improvisation. Pas deux fois le même morceau, aucune concertation. On démarre et on voit. Et j'avoue avoir été fortement impressionné par ces moments de grâce, finalement, où quatre personnalités assez différentes trouvaient des espaces d'harmonie, de connivence, de sympathie au sens profond du terme, pour aboutir à quelque chose dont, pour ma part, même si les traces enregistrées ne sont pas d'une qualité extraordinaire, je suis très fier d'avoir participé à cette expérience que j'aimerais bien renouveler d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, mais à laquelle il manquera définitivement notre ami Chabert.